La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. La tête. C'était le 2 mai 1519, disparaissait au clos Lucet à Amboise le célébrissime Léonard de Vinci, et 500 ans après sa mort, l'artiste toscan reste une figure majeure de l'art, mais également de la science. Grâce à son sens de l'expérimentation, le maître a fait avancer de nombreuses théories scientifiques. Et à l'occasion de cet anniversaire, beaucoup de livres, d'événements sont proposés au public afin de mieux comprendre justement l'œuvre globale du génie florentin. Et puis France 5 diffusera jeudi soir à 20h50 un documentaire sur celui qui est présenté comme un accélérateur de science. Léonard de Vinci dans la tête au carré, avec toutes vos questions à nos invités sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour. Bonjour Mathieu. Europe, la lune glacée de Jupiter à la une de la science aujourd'hui. Oui, avec une étude française qui suggère que de puissants courants d'eau salée pourraient exister sous les glaces d'Europe. C'est une première et on en discute dans un instant. Et puis dans la dernière partie de l'émission, nous retrouverons la rubrique santé polémique du docteur Dupagne consacrée au lévothyrox. Cette polémique, elle aussi, qui rebondit avec une nouvelle étude. Fanny Boyon réalise cette tête au carré, préparée par Lucie Sarfati. La tête au carré. Le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. Léonard de Vinci, le scientifique, 500 ans après sa mort, dossier dans un instant de l'émission avec mes invités que je salue, les historiens Pascal Briouat et Mathieu Deldic. Bonjour à vous deux. Et bienvenue. Bonjour. Pascal Briouat, vous publiez Les Audaces de Léonard aux éditions Stock. Est-ce qu'on peut parler d'un vrai génie avec Léonard de Vinci ? Est-ce que vous aimez ce terme à son sujet ? Je déteste ce terme parce qu'il gomme complètement tous les prédécesseurs de Léonard et il donne l'impression que la pensée est quelque chose qui vient d'une transcendance, alors que la pensée, c'est quelque chose qui se construit. Ouais, enfin, il était génial quand même, Léonard de Vinci, non ? Et protéiforme. Voilà, c'est quelqu'un qui est universellement curieux, qui est mu par un désir de savoir très profond, à mon avis, psychanalytiquement ancré, et qui touche à tout. Et c'est ça qui nous impressionne tant. Ouais. Est-ce qu'on connaît mieux sa peinture finalement que son apport en science ? Parce qu'au fond, il a plus été un grand ingénieur scientifique qu'un grand peintre, non ? Alors tout à fait. Très longtemps, on n'a d'ailleurs connu que le peintre. Ça n'est qu'en 1883 qu'on redécouvre les textes de Léonard de Vinci. Mmh. Et là, on découvre l'ingénieur et peut-être le savant. Mais le savant, c'est compliqué parce que il est un homme sans lettres, il n'a pas étudié les grands auteurs. Oui. Donc l'énigme, c'est comment devenir un grand savant quand on n'est pas né où il faut. Oui. Et qu'est-ce qu'on lui doit ? C'est ce qu'on verra aussi avec vous, véritablement. Mathieu Deldic, vous publiez de votre côté Léonard de Vinci, tout simplement, chez Que sais-je. Ce 500e anniversaire, c'est également l'occasion de célébrer un dessin qui a été attribué récemment, on peut le dire, à Léonard de Vinci, c'est la Joconde nue. Il y a une histoire assez intéressante autour de ce dessin, sur justement le fait de savoir exactement qui est derrière et quelle main l'a dessiné. Oui, en effet, c'est là aussi un dessin, un grand dessin qu'on savait au château de Chantilly, qui a été attribué à Léonard de Vinci, qui a ensuite été désattribué. Et là, c'est la science qui nous a permis d'avancer dans sa connaissance. C'est un grand dessin qui s'appelle la Joconde nue. Hein, c'est une femme nue en buste qui emprunte la position de la Joconde et qui déstabilise parce que elle nous dit quelque chose, cette Joconde nue, tout en nous troublant. Et avec des analyses que nous avons menées tout à fait récemment, et dans le cadre d'une exposition qui va ouvrir à Chantilly le 1er juin, nous avons pu avancer dans sa connaissance et découvrir quelques mystères. On verra tous ces éléments scientifiques avec vous. On verra également ce dessin, donc vous l'avez dit, à partir du 1er juin à Chantilly. Léonard de Vinci, que vous présentez finalement dans cet ouvrage comme l'archétype de l'homme de la Renaissance, il l'incarne finalement quasiment à lui tout seul, hein. C'est vrai que dans l'esprit de nos contemporains, il incarne la Renaissance. Et pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est surtout cette curiosité qui est quasiment maladive, hein, et qui va même jusqu'à l'inaccomplissement. Hein, c'est-à-dire il s'intéresse à une multitude de domaines en n'achevant pas ses traités ou ses études. Et c'est peut-être cette curiosité qui veut embrasser tout le savoir humain qui le caractérise au premier plan. Et on va voir quelles sont les disciplines auxquelles il s'est intéressé. intéressées et elles sont nombreuses. On va en discuter bien sûr avec les auditeurs qui nous rejoignent, les messages pour vous et toutes les questions sur le site de La Tête au Carré. Europe, la lune glacée de Jupiter, à nouveau d'ailleurs, Axel, à la une de la science. Et oui, plus le temps passe et plus elle attire les regards, cette petite lune, Mathieu, froide et même glacée, pas plus grande que la nôtre, ça c'est une reconstitution d'ambiance sur Europe qu'on vous fait entendre. Elle possède un immense océan d'eau liquide sous sa coquille de glace, un cœur rocheux, des geysers et une activité de surface. Et de nouveaux travaux français suggèrent cette fois que le champ magnétique intense de Jupiter pourrait générer des courants importants dans cet océan d'eau salée. Pour en parler, nous recevons Christophe Giesinger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes physicien, maître de conférences à l'École normale supérieure et vous publiez ces simulations inédites avec l'astrophysicien Ludovic Petit-Demange. Alors, l'immense océan qui existerait sur Europe sous la glace, on le suggère depuis longtemps. Comment est-ce que vous est venue l'idée d'étudier directement les courants qu'il pourrait y avoir dans cet océan ? Alors, en fait, moi, un petit peu par hasard, en fait, en tant que physicien, Je m'intéresse depuis quelques temps, depuis quelques années, à un phénomène qui est a priori très différent, qui sont les pompes électromagnétiques sur Terre. C'est-à-dire que c'est des objets industriels dans lesquels on a un métal liquide qui est mis en mouvement avec un champ magnétique. On applique un champ magnétique qui se propage et le métal liquide qui est conducteur d'électricité va pouvoir être pompé de cette manière-là. Et en fait, au hasard d'un séminaire sur Europe, je me suis rendu compte que tous les ingrédients qui sont dans ces objets-là, sont également trouvés sur Europe. Donc du coup, on en a discuté avec Ludovic Petit-Demange, et on a décidé de regarder les observations qui étaient disponibles pour Europe, et donc on a fait une modélisation de l'intérieur d'Europe, et on s'est effectivement rendu compte que, de la même manière, le champ magnétique de Jupiter va créer un mouvement sur l'océan d'Europe. Alors le champ magnétique, justement, donc c'est ça qui crée ces courants. Celui de Jupiter, il est immense par rapport aux autres planètes du système solaire. Oui, il est très très grand et il s'étend surtout très loin. Donc il a une énorme influence sur ces lunes que sont Europe, Ganymède, Callisto. Et donc on sait depuis assez longtemps que ce champ très intense peut avoir un rôle, un effet sur l'eau salée, puisque l'eau salée c'est un fluide conducteur. Et donc ce qu'on a montré, c'est qu'en plus d'avoir un effet, c'est-à-dire d'induire un champ, il peut également induire un mouvement. Alors Europe fait à peu près la taille de notre Lune, et Jupiter fait des dizaines de fois la taille de la Terre. On est assez loin du Soleil, donc il fait très froid. Comment l'eau à l'état liquide peut subsister sur cette minuscule Lune ? Alors effectivement, c'est la grande question. Donc la surface est glacée, et on suppose effectivement qu'il y a une couche liquide sous cette croûte de glace. Jusqu'à maintenant, l'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que c'est les effets de marée qui rendent l'eau liquide. C'est-à-dire que, à mesure que, un petit peu comme le système Terre-Lune d'ailleurs, il y a des effets de marée, donc l'orbite est excentrique. Donc il y a une déformation périodique d'Europe, à cause de cette force gravitationnelle. Et donc cette déformation périodique, elle va amener beaucoup d'énergie dans ce système, qui doit être normalement suffisant pour faire fondre une partie de la glace de la surface. Donc il faut imaginer un océan souterrain en fait. Donc c'est exactement ça. D'ailleurs, en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ce problème, j'étais assez surpris de découvrir que la Terre, en fait, avec ses vastes océans de surface, c'est plutôt une exception. En fait, si on regarde les mondes océaniques dans le système solaire, c'est plutôt systématiquement des océans souterrains. Donc une surface glacée, par exemple, et dessous une partie liquide. Alors, ce qui est très intéressant dans vos travaux, Christophe Giesinger, c'est que les courants que vous décrivez, là, avec ces effets magnétiques, ils permettent aussi d'expliquer, en tout cas de confirmer certaines choses qu'on voit à la surface d'Europe depuis plusieurs années, d'ailleurs. Alors, ouais, donc on essaie, donc il y a trois observations principales qu'on peut retrouver avec ce modèle. La première, c'est la salinité de l'océan. Donc en fait, quand on fait notre modèle, on se rend compte que les résultats, le champ électrique induit sur Europe, va beaucoup dépendre de la salinité de l'océan. Si l'océan n'est pas salé, il n'est donc pas conducteur, et il n'y a donc pas de courant induit. Or, on a des missions spatiales qui ont été faites au début des années 2000, qui ont mesuré le champ magnétique induit près d'Europe. Donc en essayant de reproduire ces données des observations, on peut contraindre la valeur de la salinité de l'océan. Et on trouve que ça marche bien si, dans notre modèle, on utilise une salinité qui est comparable aux océans terrestres. Et c'est le cas ? Ça se ressemble beaucoup ? Et donc, effectivement, on trouve que pour reproduire assez bien les observations, oui, c'est pas parfait, évidemment, mais il y a une corrélation assez bonne et qui suggère que cet océan, il a à peu près la même salinité que sur Terre. Alors, on le met toujours en avant au début, mais je voulais le garder pour la fin. Il y a quand même quelque chose concernant Europe qui intéresse beaucoup les gens sur Terre, c'est la possible trace, les possibles traces de vie. Est-ce que des courants, ceux que vous décrivez là, pourraient favoriser l'apparition, ou alors est-ce qu'on pourrait imaginer que de la vie traverse à travers ces courants? Alors, c'est une question compliquée. C'est une question, donc, n'étant pas biologiste, oui, je peux juste en parler d'assez loin. Ce que je peux dire, donc effectivement, Europe, c'est considéré comme un des meilleurs candidats pour avoir la vie. Pour plein de raisons, parce que l'eau n'est, donc l'eau est liquide déjà, elle est une température pas trop basse, quelques degrés, peut-être 4 degrés, donc suffisant pour créer de la vie, elle est en contact avec de la roche silicate, donc tout ça c'est bien. Nous, ce que nos travaux montrent, c'est que donc sous l'effet du champ magnétique de Jupiter, un peu comme un moteur asynchrone, c'est-à-dire on a un champ magnétique, qui est le champ magnétique de Jupiter qui tourne. Et donc ça va entraîner l'océan, l'eau salée, dans cette direction-là, un peu comme un moteur entraîne le rotor d'un moteur est entraîné. Donc ce que ça veut dire, c'est que ce qu'on dit, ce qu'on prédit, c'est qu'il va y avoir un jet océanique très puissant qui est toujours dans la même direction. Ça ressemble un peu au Gulf Stream sur Terre. Donc de ce point de vue-là, ça peut avoir un rôle pour la vie, parce que simplement ça va aider à distribuer les nutriments et ce genre de choses dans l'océan. Alors, il y a des missions qui sont prévues pour aller visiter ces mondes glacés. Est-ce qu'elles pourraient voir ou peut-être confirmer indirectement vos simulations dans les années qui viennent? Alors, on attend beaucoup de ces observations et de ces missions spatiales, effectivement. Ces missions spatiales vont notamment essayer de mesurer plus précisément le champ induit. Ça nous intéresse beaucoup pour notre effet. Elles vont également beaucoup s'intéresser aux geysers, aux jets de vapeur d'eau qui s'échappent des régions polaires et qui sont quelque chose... qui est un peu prédit aussi par notre modèle et qu'on donc on donc quelle année également... les résultats à peu près comment les résultats sont prévus pour quand? Dans longtemps, la mission spatiale est prévue pour 2020-2025 et donc il faut quelques années pour y aller. Okay. Donc on aura les résultats dans longtemps. Bon, bah en tout cas, si vous croisez de la vie sur Europe, vous venez nous en parler. Voilà. Christophe Kissinger, vous êtes toujours le bienvenu. Merci beaucoup et Axel, à demain. À demain, Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, mammouth et homme de Néandertal partagent des traits génétiques communs. L'université de Tel Aviv démontre que les deux espèces qui vivaient ensemble en Europe au Pléistocène ont en commun certaines caractéristiques moléculaires d'une adaptation aux environnements froids. Trois gènes en particulier ont intéressé les chercheurs. L'un permet une meilleure régulation de la chaleur et du stockage des graisses et les deux autres concernent la pigmentation de la peau et des poils. Les dégâts de l'alcool sur le cerveau continuent même après le sevrage. Une équipe de neuroscientifiques espagnols et allemands démontre, contrairement à ce qui était admis, que les dégâts causés par l'alcoolisme sévère sur le cerveau perdurent pendant plus de 6 semaines après l'arrêt complet des consommations. Ces dégâts, principalement des micro-lésions, de la substance blanche, qui ont pour effet de ralentir la communication entre les neurones, ont été observés par IRM. Et puis pour terminer, des dizaines de cochons d'Inde sacrifiés au dieu Inca, des fouilles sur le site de Tambo Viejo sur la côte sud du Pérou actuel révèlent une nouvelle pratique de ce peuple précolombien. Il y a environ 400 ans, et des chercheurs de Berkeley, bon, plus récemment, ont découvert de nombreux cochons d'Inde ornés de boucles d'oreilles et de colliers, enroulés dans du coton et soigneusement enterrés, certainement vivants les pauvres. Ils étaient recouverts d'une couche de sable propre et toutes ces précautions ajoutées au sol argileux de la région donnent des animaux parfaitement momifiés aujourd'hui. Allez, Léonard de Vinci, dans un instant, dossier de la tête au carré pour découvrir le scientifique. Something good, but cutting out the heart is what you do. I get the wrong vibration. Wrong Vibration, c'était Balthazar. Parce que je n'ai aucun talent littéraire, ils diront de moi que je ne peux exprimer clairement mes projets. Mais ils ne savent pas que mon travail relève de l'expérience et non des mots. Je m'en remets à quelque chose de plus grand et de plus digne. L'expérience, la maîtresse de leur maître. La tête au carré, Mathieu Vidard. Voilà, Léonard de Vinci, tel que vous l'entendrez ce soir d'ailleurs sur France 5, dans la question, ce sera jeudi, pardon, dans Science Grand Format à 20h50, décédé donc le 2 mai 1519, il y a donc 500 ans tout juste, au Clos Lucé-Amboise, peintre, inventeur, ingénieur, scientifique, il a dévoré les arts et les techniques avec un talent de visionnaire inégalé, et donc on en parle cet après-midi avec mes invités, Pascal Briouat, vous êtes donc professeur d'histoire de la Renaissance à l'université François Rabelais de Tours, et vous êtes chercheur au Centre d'études supérieures de la Renaissance, et vous publiez donc Les Audaces de Léonard aux éditions Stock. Et puis Mathieu Deldic, vous êtes docteur en histoire de l'art, conservateur du patrimoine au musée Condé à Chantilly et commissaire donc de la prochaine exposition avec la Joconde nue dont on va parler. Ce sera à partir du 1er juin. Et de votre côté, vous publiez Léonard de Vinci tout simplement chez Que sais-je, avec les auditeurs qui nous rejoignent. Toutes les questions et les messages sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Pascal Briouat, est-ce que Léonard de Vinci était complexé de n'être pas un littéraire? Sans doute au départ, mais au moment où il prononce la phrase que nous venons d'entendre, il est assez ironique. Parce que il est très critique de ces intellectuels de Florence ou d'ailleurs qui se fondent sur les autorités et n'ont pas du tout de rapport à l'expérience sensible. Et quand il écrit cela, il est déjà à un moment où il a fait ses preuves d'ingénieur et de technicien. Ce que vous appelez l'expérience sensible, au fond, c'est l'expérience scientifique, c'est la méthode. C'est une méthode qui est différente de l'expérience scientifique d'aujourd'hui. L'expérience scientifique d'aujourd'hui, on part de l'observation. De l'observation, et éventuellement, on en déduit une théorie. Léonard procède de façon inverse, c'est-à-dire que il a d'abord des idées et il vérifie que ces idées sont les bonnes en construisant un protocole expérimental. Ça n'est pas tout à fait la science moderne. Alors donc il fait exactement le contraire finalement de ce qu'on pratique aujourd'hui et ça fonctionne pas si mal que ça finalement, non ? Ça fonctionne pas si mal que ça et je pense que ça met les philosophes expérimentaux du siècle suivant aussi sur la voie d'une pratique. Mathieu Deldic, on peut dire peut-être d'abord que Léonard de Vinci a passé son enfance à la campagne et que ça a été absolument prépondérant dans son parcours avec cette nature qui l'a finalement toujours inspiré. Voilà, c'est le fils de la Toscane, Léonard de Vinci. Il est né en 1452 dans la famille d'un notaire. C'est un enfant illégitime, mais qui est choyé dans son foyer et qui, s'il ne bénéficie pas d'une éducation savante, va quand même être éduqué et en effet va être peut-être marqué par cette nature, par ces paysages qu'on verra ensuite dans ses tableaux les plus célèbres. Ouais, donc il n'y avait pas d'environnement scientifique propice pour lui? Bah, en tout cas, à Vinci, dans cette bourgade, pas vraiment. C'est vrai que on n'est pas très loin de Florence, tout de même. Et il va aller assez vite à Florence, non pas dans le milieu scientifique, mais dans le milieu artistique. Il va être l'élève de Verrocchio, un grand sculpteur, un grand peintre, qui va l'initier à tous ces arts. Et c'est peut-être là qu'il va avoir aussi ses premiers contacts. Ouais. En tout cas, vous dites que son talent artistique a été très vite décelé, quand même, et encouragé. Alors là aussi, c'est compliqué de savoir parce qu'il y a le premier biographe Vasari qui raconte une sorte de mythe où Verrocchio aurait tout de suite décelé le génie artistique derrière Léonard de Vinci. C'est sans doute à nuancer et sans doute qu'il y avait des prédispositions qui ont été ensuite cultivées auprès de Verrocchio. Pascal Briouat. Oui, il faut aussi comprendre qu'un atelier comme celui de Verrocchio est un atelier multitâche. Et Léonard par le biais de cet atelier, se retrouve à collaborer avec des techniciens, des mécaniciens. Notamment, il travaille sur la dernière phase de la construction du dôme de Florence. Et il voit les... Quel est son apport d'ailleurs dans le dôme? Parce que ça a été aussi, du point de vue de l'ingénierie, quelque chose... Ouais. La grande sphère de cuivre qui devait coiffer le dôme. Ouais. Et Léonard voit le chantier, il voit les machines, il voit les grues que des générations entières de techniciens ont élaboré. Il les copie. Ouais. On apprend en copiant beaucoup. Ouais. Parce que c'est une prouesse absolument incroyable, ce dôme de Florence, par exemple. Hein. 100 mètres de haut. C'est-à-dire que c'est absolument colossal. Ce sont des ruses mathématiques qui rendent les choses possibles, mm-hmm. des secrets. Et Léonard fait partie de cette équipe de techniciens qui invente des engins. Pour quelqu'un qui vient de la campagne, comme vous le disiez, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que on n'a jamais vu autant de machines. Ouais. Des machines incroyables qui peuvent, chaque jour, monter au sommet du dôme l'équivalent d'un autobus en poids. Ouais. Au mieux, les machines qui construisent la cathédrale d'Amiens, par exemple, c'est 500 kilos. Là, on a des grues colossales qui sont toutes adaptées. Ouais. C'est cet environnement-là qui construit le jeune Léonard. Mathieu Deldic. On peut dire aussi qu'en fait, finalement, sans la Florence des Médicis, Léonard n'aurait pas existé. C'est-à-dire qu'il a été bercé, nourri par tous ces chantiers, par tous ces artistes, tous ces savants qui, depuis le début du XVe siècle, depuis un siècle, avaient irrigué, avaient renouvelé tous les champs du domaine artistique et scientifique. Oui, Pascal Briouat, c'est ça aussi, effectivement, c'est que on est dans le berceau et au cœur de la Renaissance. Donc il est là exactement au bon endroit. Hein. Au cœur de la Renaissance et au cœur de... au milieu de plusieurs flux différents. C'est-à-dire qu'il y a le flux des techniciens, des techniciens siennois et florentins, mais il y a aussi le néoplatonisme, donc toute cette culture de cour autour des Médicis, et puis la culture des peintres. Tout ça arrive dans le même creuset. Ouais. Alors, comment on passe justement de la peinture à l'ingénierie, à tous ces travaux, à ces technologies qui vont vraiment l'intéresser et qui va explorer dans plein de domaines parce qu'il est vraiment curieux de tout? Alors, c'est vrai que la première partie de la carrière est quand même plus dirigée vers la peinture, vers l'art. Et ensuite, il y aura peut-être au tournant du siècle, au début du XVIe siècle, un changement de paradigme schématiquement. Ce qu'il faut savoir, c'est que même dans sa conception de la peinture, il essaie de théoriser cette conception de la peinture. Il a un projet de traité de la peinture. Ouais. Et finalement, il se rend compte que pour embrasser la science de la peinture, il doit aussi comprendre la mécanique, l'hydraulique, l'optique, etc., etc. Et donc, de là, ses intérêts vont se démultiplier. Ouais. On va écouter justement un des extraits de ce documentaire Léonard de Vinci, Accélérateur de sciences, diffusé jeudi soir sur France 5, autour d'un char de combat. Dans le Codex Atlanticus, il y a quelque chose de tout à fait remarquable. Un curriculum vitae. Le premier CV de l'histoire, rédigé par Léonard de Vinci. Mais Léonard se présente comme un ingénieur militaire, qui fabrique des armes secrètes, des sous-marins incroyables, des machines de siège. Et ce qui est étonnant, c'est que ce CV, le premier de l'histoire, est mensonger. Voici le célèbre livre de Roberto Valturio. Il a été imprimé juste avant que Léonard ne parte pour Milan. Une encyclopédie d'art militaire dont Léonard s'inspire. On découvre que les fameux chars de combat de Léonard proviennent de cette œuvre. On voit ici un dessin exceptionnel, peut-être l'ancêtre du tank de Léonard. Un char blindé avec des canons dissimulés à l'intérieur. Imprimé en 1472, l'ouvrage de Roberto Valturio au sujet des arts militaires figure parmi les premiers livres illustrés imprimés. Léonard s'y plonge alors non par curiosité, mais par nécessité, afin de convaincre le duc de Milan. Les améliorations qu'il apporte aux travaux de Valturio sont à l'origine de certaines de ses inventions les plus célèbres. Chars de combat, machines de siège et même mitrailleuses. Alors, il y a plusieurs choses intéressantes justement dans cet extrait, Pascal Bruriot et Mathieu Deldic. D'abord, l'histoire du CV, c'est quoi exactement? Alors, on dispose du brouillon, ouais. Puisque Léonard a fait envoyer une lettre écrite par un tabellion, par un notaire, qu'il a à Ludovic Lemort pour être recruté. Ouais. Ça ne fonctionne d'ailleurs pas, puisque Ludovic Lemort se rend bien compte, le duc de Milan... Qu'il emprunte beaucoup à ce qui existait déjà. Voilà. Hein. Ouais. Et il y a déjà des ingénieurs à Milan, donc on sait très bien faire. Mais progressivement, à Milan, Léonard va s'affirmer, va apprendre sur place, et va démontrer ses capacités. Ouais. Alors justement, Mathieu Deldic, pourquoi est-ce qu'il part à Milan alors? Parce qu'on était en plein cœur de Florence là tout à l'heure avec vous, puis boum, on se retrouve dans cette autre ville italienne. C'est une autre forme de enfin une place très forte en tout cas pour les arts et les techniques. Milan, c'est surtout au nord de l'Italie, une formidable puissance militaire, hein, la plus première puissance militaire en Italie, bien plus que Florence ou les autres entités politiques italiennes. Et il y a là un Ludovic le Mort, un duc de Milan, qui veut montrer à la fois sa puissance militaire et politique, et puis qui a aussi une ambition artistique de faire de Milan la nouvelle Rome, la nouvelle Athènes. Et donc il a besoin à la fois d'ingénieurs, qui a peut-être sur place aussi, et puis de grands artistes. Et les grands artistes, ils se trouvent où à cette époque-là? À Florence. À Florence, il y a beaucoup d'artistes et pour se démarquer, finalement, il faut s'expatrier. Et c'est un peu ce que Léonard a en tête, hein, c'est devenir le premier à Milan plutôt d'être le quatrième à Florence. Ouais. Léonard de Vinci avec nous donc sur la route des sciences. On découvre tout cela ensemble et vous répondez aux questions des auditeurs sur franceinter.fr. Autant en faire quelque chose, c'était Jean-Louis Murat. Bien que la nature interroge la raison, avant de solliciter l'expérience, il nous faut faire l'inverse. Commencer par l'expérience, puis élaborer un raisonnement. La tête au carré sur France Inter. Voilà, ça c'est exactement ce que vous nous disiez tout à l'heure, Pascal Briouat, sur la méthode, hein, finalement, Léonard de Vinci. On en parle avec vous cet après-midi en compagnie également de Mathieu Deldic à l'occasion de ce documentaire qui sera diffusé jeudi soir sur France 5 et puis à l'occasion évidemment de vos ouvrages qui paraissent chez Stock, Pascal Briouat, Les Audaces de Léonard de Vinci et Mathieu Deldic, Léonard de Vinci chez Stock. Que sais-je ? Vous me racontiez hors antenne les passions que suscite Léonard de Vinci, justement toujours 500 ans après sa mort. L'un et l'autre d'ailleurs, vous avez vraiment vu ça de très très près. Pascal Brioua, il y a quasiment une hystérie autour de Léonard de Vinci, on peut presque dire les choses comme ça ? Oui, il y a un fétichisme déjà autour des ouais. objets eux-mêmes. Comment vous l'expliquez ça exactement ? Eh ben, c'est l'archétype mondial du génie. Oui, c'est ça quand même. Ouais. Et donc, en se rapprochant de Léonard de Vinci, en ayant sa propre idée de ce qu'était le génie, on touche du doigt le critiquant. Ouais. On se donne l'impression d'être soi-même génial. Qu'est-ce qu'on critique principalement chez lui ? Parce qu'on a des mails que je vais vous donner sur des critiques et entre autres sur ses attributions précisément. Alors, il y a un certain... Le problème des attributions est complexe. On sait par exemple que la bicyclette n'est pas du tout une invention de Léonard de Vinci. C'est un pastiche qui a été rajouté très tardivement. C'est ce que nous faisait remarquer un auditeur dans un message. Tout à fait. Et puis, le débat autour de Léonard de Vinci commence très très tôt, dès 1900. On se rappelle qu'on découvre les écrits de Léonard en 1883. Et dès 1900... Il y a des auteurs, comme le chimiste Marcelin Berthelot, qui disent « Léonard n'a rien inventé ouais. ». Ce en quoi il a raison pour beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des prédécesseurs à Léonard de Vinci. Et d'autres qui disent « Léonard n'a rien lu, il ne pouvait en aucun cas être savant ». Là, il faut vraiment lire les manuscrits de Léonard de Vinci. Et j'invite les auditeurs à le faire parce que c'est sur Ileo, c'est ouais. disponible sur Internet. Et là, on se rend compte qu'il y a un vrai travail de Léonard de Vinci sur les sciences et pas seulement sur les techniques. Ouais. Mathieu Deldic, de votre côté, alors, de quelle façon vous avez été confronté à la passion léonardesque ? Alors, c'est dans un contexte assez particulier. Hein. Vous avez parlé de cette fameuse Joconde nue, ce grand dessin qui est conservé à Chantilly, qui représente une dame nue, qui emprunte la position de la Joconde et qui serait attribuée à Léonard de Vinci. Donc, vous avez là trois ingrédients qui détonnent. L'artiste le plus célèbre du monde, le tableau le plus célèbre du monde et la nudité. Ouais. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt. Et au-delà de ça, c'est vrai que c'est peut-être le dernier artiste que tout le monde connaît comme ça. Hein, vous demandez à quiconque, tout le monde connaît Léonard de Vinci. Et avec aussi tout ce qui tourne autour du marché de l'art, des dernières ventes, on pense au Salvator Mundi. C'est vrai qu'un certain nombre de personnes pensent avoir chez leur grand-mère ou dans leur grenier un Léonard de Vinci. On souhaite que ça soit le cas, mais souvent ça n'est pas. À 480 millions de dollars, c'est ça ? 450 millions, oui, c'est le tableau le plus cher jamais vendu au monde. Hein. Donc, on vous appelle de temps en temps en disant « Moi, j'ai un Léonard de Vinci à la maison, venez voir. » Ça m'arrive. Ouais. Et alors, en général ? En général, ça n'est pas, c'est pas le cas. Mais en tout cas, c'est pas mon rôle, conservateur du patrimoine d'une collection publique, de donner une expertise. Thierry nous dit « Y avait-il à cette époque d'autres hommes et femmes d'à peu près son niveau et qui seraient passés totalement inaperçus ?» Pascal Brioua, pas facile de répondre à cette question. Hein. En tout cas, il n'y a pas de personnage qui s'intéresse à autant de champs différents. Sur les techniques, il y a effectivement des prédécesseurs, Francesco Di Giorgio, Taccola, qui sont connus des experts, moins connus du grand public, mais qui, d'un point de vue technique, vont assez loin, même dans la théorie mécanique. Ouais, Mathieu Deldic, là-dessus. C'est peut-être ce qu'il faut retenir le plus hein, comme aspect, c'est-à-dire cette curiosité insatiable qui part finalement d'un contexte artistique et qui va s'étendre jusqu'à la fin. Et moi, ce qui, en tant que historien de l'art, ce qui m'intéresse aussi, c'est les moments où il va délaisser son art, ses tableaux, pour s'intéresser, pour griffonner tous ses manuscrits, pour prendre des notes et mais justement, Léonard de Vinci, c'est un homme seul ou c'est au contraire un travail d'équipe depuis la peinture jusqu'aux grandes inventions C'est les deux, mon capitaine. En fait, c'est Léonard de Vinci est à la tête d'un atelier hein, avec un nombre d'apprentis, d'élèves qui varient, hein, qui le suivent aussi à Florence, à Milan, en France, etc. Et puis, mais c'est aussi quand même un homme seul avec aussi ses propres aspirations, ses propres dilemmes et qui va essayer de résoudre tout cela. Erwan nous dit, Léonard de Vinci, homme de science, vous êtes sûr que ça n'était pas plutôt un mystique, un chercheur peut-être, mais il ne vaut pas un Pythagore ni un Ératosthène, encore moins un Archimède, il est à la mode, c'est tout, mais c'est plus un mythe français de la Renaissance qu'un grand homme. Pascal Brioua, qu'est-ce que vous répondez, Erwan ? Il y a beaucoup d'énergie dans cette attaque. Oui. Elle est partiellement recevable, c'est-à-dire que Léonard n'est pas un bon mathématicien, par exemple, c'est très clair. Ça n'est pas un Archimède. Ça n'est pas un Eratosthène. Il s'intéresse à tout ce monde-là. Hein. Il lit ces gens-là. Il lit, il lit absolument. Ces gens-là. Ouais. Et on sent qu'il n'est pas totalement au niveau. Cela étant, une fois qu'on a dit cela, Léonard Mystique, non. Il déteste le mysticisme. Il déteste vraiment cela. Il déteste les nécromanciens. Il se moque d'eux constamment. Mmh. Et Léonard s'intéresse vraiment à la nature, aux explications naturelles du monde. Et là-dessus, il va très loin. Et peut-être n'est-il pas un Archimède, mais dans l'observation en optique, en physique même, en anatomie, il fait vraiment des percées. Et ça, c'est absolument indéniable. Oui. Mathieu Deldic, pour compléter. En fait, cette vision d'un Léonard de Vinci faustien, en quelque sorte, c'est une vision romantique établie au XIXe siècle, avant qu'on ne découvre vraiment les croquis, les milliers de pages de notes et de réflexions de Léonard. D'ailleurs, il est rare de conserver, c'est peut-être même le seul cas pour un artiste de la Renaissance, de conserver autant de pages de sa pensée. Et dans ces pages, on ne voit pas d'allusion à un mysticisme, etc. Mmh. Donc, finalement, on est encore prisonnier, et cette réaction le prouve bien, d'une vision qui est dépassée de Léonard de Vinci. C'est Michelet qui faisait de Léonard un Faust du XVIe siècle, mais c'est faux. Alors justement, Patrice nous dit, Léonard de Vinci a-t-il été jugé suspect par l'Église, qui, comme chacun le sait, a toujours été très ouverte aux investigations scientifiques? Alors, Léonard trouve même un patronage dans l'Église, puisque il est l'un des savants, peintres, ingénieurs, du frère du pape lui-même, donc on peut pas plus haut dans la hiérarchie. Alors, on sait par Vasari qu'il a eu à certains moments des problèmes avec l'Église. Mais ces problèmes sont très spécifiques. C'est pas du tout parce qu'il dissèque des cadavres, par exemple, puisque il avoue un cardinal avoir fait 30 dissections dans sa vie. Donc on n'avouerait pas ça un cardinal, si c'était aussi dangereux. En revanche, Léonard se mêle de dire quel est son avis à propos du fœtus. Et je pense qu'encore aujourd'hui, ce genre d'avis poserait des problèmes. Léonard pense que le fœtus a l'âme de la mère. Et c'est là qu'il rencontre des problèmes. Il aurait des problèmes aujourd'hui, certainement, effectivement. Allez, autre extrait du documentaire Léonard de Vinci, accélérateur de science, qui sera diffusé jeudi soir, autour cette fois-ci du parachute. À partir de 1480, Léonard de Vinci est obsédé par l'idée de voler. Parmi ses études aérodynamiques et biomécaniques figure le dessin d'un homme qui tombe du ciel, suspendu à un parachute. Mais Léonard de Vinci n'est pas le seul à avoir rêvé de voler, ni le premier à représenter les moyens de le faire. Le mérite en revient à un inventeur de Sienne, Mariano di Jacopo, dit Taccola. Ce dessin qui représente un parachute est le plus ancien connu à ce jour. Et il est très similaire à celui de Léonard de Vinci. Or, on sait que Léonard connaissait les travaux de l'école de Sienne. Il fait même souvent référence au dessin de Taccola dans ses écrits. Taccola était un ingénieur du début de la Renaissance. Alors, pourquoi attribue-t-on à Léonard de Vinci l'invention du parachute? Ce qui est incroyable, c'est que Léonard y apporte plusieurs améliorations. Il précise, par exemple, les matériaux nécessaires à sa fabrication. Pour que le parachute soit étanche et retienne l'air, comme les plumes d'un oiseau, le tissu doit être fait de toile cirée. Et il est aussi le premier à avoir décrit le mode de fabrication du parachute et le seul à en avoir défini les dimensions. Voilà un extrait de ce documentaire. Est-ce que finalement, Pascal Briouat, ce qu'on peut retenir, c'est que Léonard de Vinci, pendant toute sa vie d'ingénieur, de scientifique, s'inspire énormément de ce qui a existé avant lui, sauf qu'il améliore considérablement les choses. Est-ce qu'on peut donner cette vision-là? C'est le cas dans un grand nombre de domaines. Le parachute en est un bon exemple, le char d'assaut en est un bon exemple, la mitrailleuse, toutes ces choses existent avant Léonard. Ouais. En revanche, dans certains champs d'investigation, Léonard est tout seul. Et c'est le cas notamment des machines volantes. Ouais. Ça vraiment, il est l'inventeur. Alors, il y a eu d'autres personnes qui étaient fascinées par cela avant lui, y compris dans le monde arabe. Mais Léonard va très très loin dans ses recherches. Des recherches sur une mécanique qui permettrait d'imiter la force des oiseaux, et puis une recherche biomimétique qui essaye d'imiter les oiseaux aussi bien dans la structure de leurs os que ouais. dans les matériaux de leurs plumes, et puis évidemment tout le concept de portance qu'il est un des premiers à avoir intuité. Mathieu Deldic, c'est la bio-inspiration, hein, finalement, Léonard de Vinci, s'inspirer de la nature qui l'entoure, des oiseaux par exemple, le biomimétisme, hein, c'est vraiment ça, il utilise beaucoup ce qu'il observe. Oui, c'est vraiment quelqu'un qui va sur place, qui va, par exemple, pour aussi comprendre les flux, les phénomènes météorologiques, va dans les Alpes et va et dessine les phénomènes qu'il peut voir. On a aussi la chance d'avoir un artiste qui maîtrise le dessin et qui nous a légué aussi des schémas, des croquis assez lisibles, finalement. Et finalement, l'art et la science, là aussi, sont complémentaires. Et grâce à cela, on a pu les interpréter de manière tout à fait correcte. Allez, on reste dans la nature avec Fleurs de saison d'Émilie Simon. Et juste après, on vous raconte l'histoire de ce dessin autour de la Joconde nue. Dès les premières lueurs, aux yeux sombres. Sur France Inter. Voilà mes invités avec moi, Pascal Briouat et Mathieu Deldic, pour nous parler de Léonard de Vinci à l'occasion donc des 500 ans de sa mort, et vos messages sur franceinter.fr avec cette histoire de la Joconde nue qu'il faut absolument que vous nous racontiez, Mathieu Deldic, parce que c'était une vraie saga là aussi, avant de donner des indications plus précises en tout cas sur son ou ses auteurs. Voilà, cette saga va se terminer à Chantilly le 1er juin avec une grande exposition tout l'été à propos de ce dessin. C'est un grand dessin qui a la taille d'un tableau, hein, 74 cm de haut. Il fait la taille de la Joconde d'ailleurs. Taille à peu près de la Joconde du Louvre. Il est conservé à Chantilly depuis le 19e siècle et il était acheté à l'époque comme un Léonard de Vinci. Et puis on l'a désattribué parce que c'est un dessin qui est étrange, on est entre le masculin et le féminin, hein. C'est une, je le rappelle, une femme nue, en buste, dénudée, qui emprunte dans sa partie inférieure la position de la Joconde. Exactement, qui nous regarde fixement. Même, ouais. Et, elle est étrange, elle est entre le masculin et le féminin, elle a été fragilisée au cours de son histoire, repassée dans certains traits, et donc on l'a désattribuée avec de temps en temps des fulgurances, des spécialistes qui nous disaient, non, il y a sans doute du Léonard là-dessous. Donc pour aller au-delà. Nous avons procédé à la fin de l'année 2017 à des analyses scientifiques grâce au Centre de recherche et de restauration des musées de France, dans les sous-sols du musée du Louvre, pour aller plus loin. Parce que finalement, l'histoire de l'art était bloquée, donc il fallait passer par la science pour en apprendre davantage. Et donc, qu'est-ce qu'on a appris ? Un certain nombre de choses. Déjà, c'est que c'était un dessin de très très grande qualité, malgré les restaurations, les fragilités qu'il a connues. C'est aussi un dessin dont le papier est contemporain de Léonard de Vinci. Donc là, déjà, on élimine le fait que ça soit une copie du XVIIe ou XVIIIe siècle. Non, on est dans une œuvre contemporaine. C'est aussi un dessin de créateur. C'est-à-dire que vous avez ce qu'on appelle des repentirs, des modifications de la composition en cours de route, des hésitations en quelque sorte. Ce qui prouve que ce dessin n'a pas été copié sur un autre dessin, mais qu'on a là un artiste qui maîtrise bien son art, je vous le rappelle, et qui a cherché sa composition pour aboutir à ce qu'on a aujourd'hui. Et puis c'est un dessin qui est piqué. Vous avez des milliers de petits points tout autour, des trous d'aiguilles qui permettaient à la manière d'un poncif, d'un calque, de reporter la composition sur un tableau, un panneau de bois qu'on mettait en dessous. Et ce piquage a servi et on a trouvé au moins deux tableaux qu'on va voir à Chantilly pour la première fois cet été. Deux tableaux qui ont été réalisés à partir de ce carton. Et ce carton donc, et ces tableaux ont même été réalisés par des élèves de Léonard de Vinci. Alors on ne sait pas les discerner parce que mais on sait qu'ils ont été produits dans l'atelier de Léonard de Vinci. Donc tout ça nous amène à dire quoi ? Ça nous amène à dire on est dans l'atelier de Léonard. On est dans l'atelier de Léonard de Vinci. Mais est-ce Léonard ? Est-ce Léonard ? C'est l'élément ultime. Alors, le dernier élément que je vous ai pas livré, c'est que nous avons trouvé des traits de gaucher, des hachures de gaucher un peu partout sur le dessin. Mmh. Alors, c'est un élément essentiel à connaître, mais qui n'est pas suffisant, parce qu'il y avait un autre gaucher dans l'atelier de Léonard de Vinci, Francesco Melli. Oui, c'est bien dommage. en tout cas, ce qu'on peut dire, voilà, c'est que c'est une œuvre, une icône, en fait, qui était mystérieuse jusqu'ici et tout à fait méconnue, qu'on va essayer de révéler, qui a été créé dans l'atelier Léonard de Vinci avec la probable participation du maître lui-même. Mais on ne peut pas dire qu'il est attribué à Léonard de Vinci. Pas avec certitude. Lui-même. Pas avec certitude. Pascal Briouat, la science a parlé selon vous ? La science est juste quand elle fait part de ses inquiétudes. Oui. Bon, en tout cas là, on a une bonne localisation du lieu et de l'époque surtout, évidemment, à laquelle tout ça a été réalisé. Et ce dessin, donc la Joconde nue, on va le voir à partir du 1er juin au musée Condé dans le domaine de Chantilly, dans le cadre évidemment des célébrations. Pascal Briouat, un petit mot quand même sur l'imprimerie, parce que c'est exactement contemporain aussi à Léonard de Vinci, cette invention. Oui, et pourtant Léonard n'imprime rien. C'est vrai, ça ne l'a pas tenté. Ça l'a tenté. On sait que on a à peu près un tiers de tous les travaux de Léonard de Vinci, et il recopiait au propre, mais nous n'avons pas les traités au propre. C'est comme si nous ne travaillions qu'à partir des brouillons. Donc, à terme, l'enjeu, c'était de publier. D'où le fait que Melzi, suivant le conseil du maître, va finir par rassembler le traité de peinture. Mais tout le reste est resté non publié. Oui. Sur son travail d'anatomiste, le corps l'intéressait également énormément, parce qu'on parle des techniques, mais il y avait aussi une partie finalement biologie qui le passionnait. Oui, et ces feuillets qui se trouvent à Windsor aujourd'hui pour l'essentiel sont extrêmement novateur, c'est-à-dire que personne n'avait décrit le corps humain avec autant de précision. Mais parfois, Léonard décrit ce qu'il sait, c'est-à-dire si Galien dit « entre les ventricules du cœur, il y a des trous », eh bien Léonard va définir les pores intraventriculaires, et ce n'est que tardivement qu'il se dit « mais non, ça n'existe pas, observons vraiment ce qui se passe ». Et tiens, peut-être que les tourbillons de sang se passent au niveau des ventricules. Et là, il fait des expériences pour essayer de comprendre comment ça marche. Donc, la technique, l'observation et le dessin avancent de pair. Dans quelles conditions il arrive en France d'ailleurs, Mathieu Deldic, Léonard de Vinci ? Eh ben, en fait, Léonard de Vinci est sans cesse en quête d'un mécène, d'un grand patron. Mmh. Et quand Julien de Médicis meurt à Rome en 1516, il se retrouve seul. Et donc, il part vers la France. Il avait déjà eu des contacts avec François Ier dès 1515. Mmh. En France, il y avait cette tradition d'une passion royale pour les œuvres de Léonard de Vinci depuis Louis XII, le prédécesseur de François Ier. Et donc, il s'est mis en quête d'un nouveau mécène et il part à Rome. Il est âgé, en France, pardon. Il est âgé. Il part de Rome pour aller aller à Amboise, au Clos Lucé, et il va passer les trois dernières années de sa vie. Ouais. Pascal Briouat, qu'est-ce qu'on retient des festivités alors? Parce qu'il y en a beaucoup. On va pouvoir vous retrouver par exemple à Romorantin, ce sera pour le mois de juillet? Pour le mois de juillet et août. Qu'est-ce que vous allez prévoir là-bas? Sur le biomimétisme de Léonard, mais à nos jours, avec les plus grands laboratoires s'intéressant aujourd'hui à la biomimétique. Il y aura évidemment la grosse exposition du Louvre à l'automne. Il y aura au Clos Lucé la présentation de la scène de Léonard de Vinci, version tapisserie. Voilà, beaucoup de choses. Beaucoup et de puis choses. Évidemment des ouvrages là aussi très abondants. Et Chambord, belle expo sur l'utopie. Léonard de Vinci, Mathieu Deldic, donc c'est chez Que sais-je, et Pascal Briouat, Les Audaces de Léonard de Vinci, c'est aux éditions Stock. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous en parler. France Inter, santé polémique, avec le docteur Dominique Dupagne. Attention, je vais piquer. Dominique, bonjour. Bonjour Mathieu. Alors la polémique autour du Lévothyrox rebondit avec une nouvelle étude? Eh oui Mathieu, le journal Le Monde a fait sa une du 5 avril sur Lévothyrox, une étude donne raison aux patients, relançant la polémique concernant ce médicament qui est utilisé quotidiennement par 3 millions de Français qui souffrent d'insuffisance thyroïdienne. On rappelle les épisodes précédents? Alors ça commence en avril 2017 lorsque le laboratoire Merck, à la demande des autorités sanitaires, modifie la formulation du Lévothyrox pour améliorer sa stabilité. Les médecins avaient reçu 2 mois auparavant un courrier leur expliquant que ce changement de formule devrait être sans conséquences significatives et qu'il fallait juste surveiller les patients particulièrement fragiles. Mmh. Mais les patients eux-mêmes n'ont pas été informés du changement. Et en été, de nombreux utilisateurs du Lévothyrox qui se sentaient mal depuis des semaines ou des mois ont découvert l'origine de leurs troubles à leur grande colère. Colère bien compréhensible d'ailleurs. Hein. Est absolument aggravée par le déni de nombreux médecins et surtout la lenteur des autorités sanitaires à donner accès aux données scientifiques permettant d'éclairer le débat, à savoir les études détaillées, les résultats de l'étude de bioéquivalence. Alors, bioéquivalence, c'est ainsi qu'on appelle une étude destinée à montrer qu'un nouveau médicament, un générique par exemple, est bien substituable à un autre qui contient le même principe actif. Alors, on rémunère des volontaires pour prendre successivement les deux médicaments et grâce à des prises de sang régulière, eh ben on vérifie que le taux sanguin du principe actif ne varie pas trop d'un médicament à l'autre. Ça suffit pour parler de bioéquivalence justement? Eh ben pas vraiment en fait, parce que si la moyenne des taux sanguins obtenus avec le nouveau médicament est proche de celle observée pour le médicament original, ce n'est pas forcément vrai pour chaque individu. Faire la moyenne, ça provoque un lissage, ça conduit à sous-estimer les différences individuelles. À partir des résultats détaillés de l'étude de bioéquivalence, j'avais conclu ici, en 2017, qu'il était tout à fait plausible que 15 à 30%, c'est-à-dire 150 à 300 000 personnes, soient déstabilisées par le changement de formule, parfois de façon importante. Tout cela devant se régler par une réadaptation de la posologie, et en pratique, c'est bien ce qu'on a observé. Bon, alors que dit cette nouvelle étude citée par Le Monde, Dominique ? Eh bien, ce n'est pas une nouvelle étude, en fait, mais c'est une relecture de l'étude de bioéquivalence par des pharmacologues de haut niveau. Ces experts insistent eux aussi sur le fait que la comparaison entre deux formules d'un médicament devrait s'intéresser aux différences observées chez chaque sujet de l'étude et non se résumer à une simple comparaison de moyenne. Alors, de plus, les auteurs soulèvent un point de méthodologie spécifique aux médicaments hormonaux et qui pourrait avoir conduit à une sous-estimation de l'impact du changement de formule chez les patients. J'en dis plus sur la page de ma chronique. En résumé, les études de bioéquivalence utilisées notamment pour valider les génériques sont probablement trop optimistes en s'intéressant aux moyennes plutôt qu'aux données individuelles. Et enfin, je signale que contrairement à ce que laisserait entendre la une du Monde, cette relecture scientifique ne remet pas en cause les qualités de la nouvelle formule du Lévothyrox. Le problème est uniquement celui d'une adaptation de posologie qui est malheureusement souvent lente et difficile. Merci beaucoup Dominique. Chronique à réécouter sur franceinter.fr. Santé polémique. Voilà, à mardi prochain. Puisqu'il me reste un petit peu de temps, je vous rappelle donc que jeudi soir, Science Grand Format sur France 5, 20h50, est consacré à Léonard de Vinci, accélérateur de science. Et puis que si vous souhaitez nous rejoindre le jeudi 18 avril prochain pour entendre parler sommeil et cerveau avec Lionel Nakache, eh bien vous pouvez le faire dans 150 salles de cinéma où sera retransmise la conférence autour du sommeil. Vous pouvez réserver vos places en allant sur franceinter.fr pour trouver une salle près de chez vous.